c'est d'abord une culture. Quand on est en DevOps, on prend tout le monde. DevOps et Agile font effectivement partie de la même famille. La virtualisation applicative, c'est très bien. Aujourd'hui, ça nous prend 10 minutes et un café. Ce n'est ni être dev, ni être ops. C'est avant tout de la communication. Ce mouvement DevOps, c'est tout simplement drivé par la communauté et endorsé par les entreprises. J'ai adopté une démarche DevOps. Le développement agile. On a accéléré le déploiement. Ça amène une clarté sur le travail de... Être dans une démarche d'amélioration continue. On se retrouve face à des... Travailler naturellement ensemble, ça donne des résultats concrets. DevOps. L'objectif individuel, ça s'atteint, alors qu'une ambition, ça se partage. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans un nouveau numéro de DevOps. Alors aujourd'hui, je suis accompagné de Pierre et on va parler de Kovri. Le but étant de vraiment comprendre un peu plus Kovri, ce qu'ils font, comment ils en sont arrivés là et de voir un peu ce qu'ils vont faire dans le futur. Je me présente, du coup je m'appelle Pierre Mavro, je suis CTO et co-founder de Kovri. Je suis passé par pas mal de boîtes, ça fait une vingtaine d'années que je travaille, donc je suis passé par des boîtes qui faisaient de la finance de marché, dont UQLink, des boîtes un peu plus grosses qui faisaient des OS et tout un tas de choses de ce type-là, Red Hat, ou encore de l'Ads chez Criteo. Et donc j'ai, on va dire, un début de carrière plutôt sysadmin, puis DevOps, puis SRE, et puis SRE Dev, enfin plus Dev que du coup système aujourd'hui. Donc, si vous avez notre bio, vous saurez qu'on s'est rencontrés justement donc, chez Criteo. On n'était pas dans exactement la même équipe, mais on a travaillé ensemble. Et donc, depuis Criteo, toi justement, tu es parti sur Kovri. Est-ce que tu peux un peu présenter ce que vous faites chez Kovri justement? Du coup, Kovri, on est une internal developer platform. Donc, en gros, ce qu'on va permettre, notre but, c'est de vraiment rendre les devs autonomes sans qu'ils aient forcément besoin d'avoir des notions d'infra. Et c'est de permettre également aux DevOps de pouvoir tout contrôler sans exposer la complexité d'infra aux devs. Donc, on peut voir ça comme un mode self-service, en fait, pour les devs. En termes d'usage et techniquement ensuite, comment ça se représente? Parce que le terme de plateforme interne, il y en a vraiment beaucoup. Alors, en plus, si on rajoute à ça les passes externes qu'on peut connaître, là, c'est quoi? C'est je pousse mon code un peu à la Heroku. C'est quoi exactement vous, ce que vous proposez de mettre de main? On prend vos services. Peut-être qu'il y en a plusieurs d'ailleurs, je sais pas. Alors, nous, ce qu'on demande, c'est un Dockerfile et un repo. Donc, on fait le build. C'est pas obligatoire, mais on peut le faire. Une fois que l'image elle est créée, on va le pousser sur un repo. De ce repo-là, ensuite, on va le déployer. Alors là, c'est vraiment la version grosse maille, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que à la base, nous, ce qu'on fait, c'est de l'infra. C'est-à-dire qu'on va déployer une infrastructure state of the art sur le compte cloud de nos clients. Comme ça, c'est l'infrastructure des customers. Nous, on a un control plane de notre côté qui permet justement de lancer tous ces déploiements à distance. Et donc, au travers soit d'une interface, donc pour les devs, une console, c'est très pratique, soit une CLI, soit du Terraform, vous allez pouvoir en fait contrôler tout ce qui se passe sur Kovri. Donc, l'idée, c'est de pouvoir déployer des bases de données, des applications, en fait, tout ce dont un développeur va avoir besoin pour tout simplement développer des fonctionnalités sans vraiment se prendre la tête, quoi. Que ce soit très, très simple. Il y a beaucoup de complexités qui sont masquées. Et donc, justement, pour un développeur, donc là, tu as dit que c'était un repo et un Dockerfile. Ouais. Si jamais je veux déclarer l'accès à une base de données, des choses comme ça, comment ça va se passer, justement? Est-ce que j'ai besoin de demander à un DevOps? Est-ce que qui va cliquer dans l'interface que je dois le faire moi-même? Est-ce que je peux directement l'annoncer dans un paramètre quelconque? Ouais. Alors, on fournit quelques primitives de base, quelques services. Donc, on a 4 bases de données aujourd'hui. Donc, MySQL, Postgre, DocumentDB, Redis. Et ça couvre généralement la plupart des besoins. Et donc, l'idée, c'est que tu vas créer un environnement. Donc, un environnement, ça va être production, staging, ce que tu veux. Et tu vas créer tous tes services dedans. Donc, typiquement, j'ai un back-end, j'ai un front-end, on va faire simple, et une base de données. Tu crées ces 3 services-là. Donc, la base de données, comme j'ai dit, on la fournit en primitive. Donc, soit en mode conteneur, soit en mode manager. Et c'est simple, clic sur l'interface et en quelques secondes, tu as ton conteneur, donc de base de données. Et en fait, on vient automatiquement injecter aussi tout ce qui est environment variable au sein de l'environnement, ce qui fait que toutes les applications en fait que tu vas utiliser derrière, tu vas pouvoir leur dire, hey, moi, typiquement, mon application, elle a besoin de DB host, DB login, DB password, etc. Donc, nous, on a créé des built-in environment variables avec, du coup, ce que tu as déployé. Donc, typiquement, là, la base de données. Et tu vas pouvoir faire un alias vers, donc, typiquement, si une application, typiquement un WordPress ou ce genre de choses que tu vas déployer, qui vont demander expressément à ce qu'il y ait exactement tel nom de variable, etc. Tu vas pouvoir la faire pointer, en fait, vers la built-in variable qu'on a créée. Donc, c'est un simple alias. Et si tu veux, l'avantage de ça, c'est que les développeurs, quand ils font une nouvelle feature, ce genre de truc, ils n'ont pas envie de travailler à 50 sur le même environnement de staging, typiquement, parce que bah, ça devient vite le foutoir. Donc, ce qu'ils ont envie, c'est de pouvoir dupliquer les environnements. Et donc, ça, c'est une des grosses forces de Cori, c'est qu'on vient en un seul clic, en fait, te permettre de cloner un environnement complet. Et donc, tous les alias, etc., que tu as fait pointer vers les built-in, en fait, nous, on te garde ça de l'autre côté, mais ça reste complètement isolé. En fait, on vient refaire automatiquement tout le mapping, etc. Donc, même si tu as 50 applications dans ton environnement, ça va se faire tout seul. Seule chose que tu auras à reparamétrer, c'est tout ce qui est vraiment unique. Typiquement, si tu as mis un custom domaine ou si tu as mis des secrets, tu n'as pas forcément envie de partager les secrets, etc. Donc, voilà, ça, c'est le genre de choses qu'il faudra que tu remettes. Mais sinon, voilà, c'est vraiment très, très simple. C'est copier-coller, quoi. Donc là, en fait, tu pars de la prod, tu la dérives, en fait, dans un environnement de développement. Tu pars de la prod, tu dérives. Et ensuite, tu peux promouvoir, justement, tu as cette notion de promotion pour repartir sur la prod quand j'ai fini mon développement. Alors ça va être plutôt toi qui va te débrouiller avec ta CI. Pour une fois que tu vas émerger dans main, typiquement, ça va te redébrouiller, enfin, sur ta prod. Après, ça, c'est des stratégies qui sont propres à chacun, enfin, chacune des boîtes, chacune des équipes, etc. Là où nous, en fait, on va augmenter la productivité aussi, si tu veux, c'est que le dev, il a pas besoin de se connecter sur Cori pour faire des trucs. C'est-à-dire qu'il part de sa branche main, il veut faire une nouvelle feature, il reste dans son Git, en fait, donc dans ce qu'il connaît, et il va dire, tiens, je veux créer une nouvelle branche. Il fait son truc, etc., il teste en local, ça a l'air d'aller, il pousse ça, il fait une nouvelle PR. Dans la PR, typiquement sur GitHub, ça va lui dire, tiens, si tu veux créer un environnement éphémère, t'as juste à répondre ça en commentaire et on va te le faire pour toi. Et donc, automatiquement, ça va cloner, ça va lui donner l'URL sur lequel il va pouvoir accéder au back, au front, ou en tout cas, ce dont il avait besoin dans cet environnement. Et donc, il a accès automatiquement de manière vraiment très simple. Et quand il va détruire sa branche, parce qu'elle sera mergée ou elle sera tout simplement détruite, ça va lui supprimer automatiquement son environnement éphémère. Quoi. D'accord, donc vous gérez les environnements éphémères directement. Et ouais. Donc justement, vous êtes compatible donc avec GitHub, tu le disais, avec d'autres environnements ou pas ou... On a GitLab et Bitbucket aussi. Ok, super. Bon, nous on est sur Azure DevOps, mais bon, je comprends qu'on veuille pas supporter Azure DevOps. Hein, c'est pas qu'on veut pas, c'est on a 4 ans d'existence aujourd'hui et qu'il faut choisir des combats. Et pour l'instant, c'est cela, mais on se ferme la porte à rien du tout. Quoi. 4 ans d'existence, historiquement, c'était ce que vous aviez vraiment voulu faire ou c'est, enfin, comment ça s'est passé un peu la genèse là de Cori? Alors pas du tout. En fait, donc moi j'étais à Criteo encore et avec donc mes associés, on avait appelé au Techstars. Donc c'est un peu comme le YC, hein, le Techstars pour être pris, c'est vraiment compliqué. Et on a été pris. En gros, il y avait 1000 boîtes, 10 boîtes sélectionnées, on était dans les 10. Donc, du coup, ça faisait un moment, de toute façon, qu'on avait des side projects, qu'on essayait des trucs et tout, lancé dans un truc qui avait rien à voir, c'était de l'analyse d'image à des fins marketing. Donc, beaucoup d'IA, beaucoup de trucs comme ça. Et avec le Techstars, ce qui est bien, c'est que tu apprends vite, est-ce que ton idée, ton produit, en fait, va réussir ou pas. Et on a rapidement vu, en fait, que ça n'irait pas. Et donc, on s'est reconcentré après sur ce qu'on connaissait, qu'est-ce qu'on fait depuis des années, on passe de boîte en boîte. C'est quoi notre but en tant que DevOps, SRE, etc. C'est faire plaisir aux devs, en tout cas faire plaisir, leur donner matière à pouvoir utiliser une infra, travailler rapidement, être efficace, etc. Et bah, comme dans toutes les boîtes, on galère, c'est compliqué, ça prend du temps et t'as l'impression de refaire beaucoup de choses à chaque fois. Et donc on s'est dit, en fait, le pain point pour nous, il est là, on va changer du coup notre fusil d'épaule et on va se lancer là-dedans. Et c'est comme ça que l'aventure, elle a commencé. Et où on s'est dit, en fait, il faut qu'on propose aux entreprises quelque chose qui leur permette de démarrer et d'avoir quelque chose vraiment de souple, qui plaît aux devs. parce qu'en tant que DevOps ou SRE, enfin, je pense que tu connais bien le problème. C'est des gens qui sont très très bons côté back, mais côté front, malheureusement, c'est pas forcément les meilleurs pour faire des super UI et UX, quoi. Donc, il faut un mix de tout. Et donc là, voilà, c'est vraiment ça aussi qu'on apporte. C'est une facilité et une souplesse pour les DevOps pour pouvoir proposer à leurs devs, en fait, quelque chose de joli, utilisable et simple, quoi. Et donc là, aujourd'hui, vos clients, ça va être quoi comme type de clients qui vous rejoignent? Vous en avez, enfin, pas forcément le nombre exact, mais c'est quoi à peu près la proportion? Ouais, bah, aujourd'hui, on a une centaine de clients, un peu plus. Et on a des boîtes de 3 personnes qui démarrent avec Covery et qui évoluent comme ça. Et on a des boîtes à plus de 200 devs. Donc, c'est assez hétérogène. Mais ils viennent pas forcément non plus pour la même chose. Tu vas avoir des petites boîtes qui vont venir parce que quand tu prends Covery, du fait qu'on va te déployer une infra, qu'on va te la gérer, etc., bah, c'est super pratique au début. T'as pas à te prendre la tête. Tu sais que, enfin, quand on déploie une infra, t'es SOC 2 direct. Donc, c'est pratique aussi si tu veux, voilà, avoir une besoin de certification rapidement. Et tu vas avoir des plus grosses boîtes qui viennent parce qu'en fait, ils galèrent sur les environnements éphémères. Et ça, c'est un pain point pour beaucoup de boîtes parce que bah, les devs en ont besoin. C'est compliqué à mettre en place. C'est un coût aussi parce que du coup, on a fait beaucoup d'optimisation de coûts derrière et on propose pas mal de choses. Tout à l'heure, je te disais, tu vois, un dev, il déploie une nouvelle PR, il peut avoir son environnement éphémère. OK, c'est cool, mais derrière, si ça tourne 24-24, ça va commencer à coûter cher. Donc, on a des optimisations comme ça pour dire, bah, au bout de 2 heures, si t'as pas utilisé, ça se coupe tout seul. Et donc, il peut le rallumer quand il veut. Enfin, voilà. Il y a plein de trucs autour de ça. Et donc, ça, c'est ce qui va plutôt intéresser les grosses boîtes, quoi. Après, on a des moyennes grosses boîtes qui rentrent par Covery là-dessus et puis qui se disent, ah, putain, mais en fait, ça marche bien. C'est cool. Bah, en fait, on va commencer à basculer de la prod aussi dessus. Et donc, comme ça, ça leur permet d'avoir le flow complet. Et puis, bah, du coup, cloner des environnements, c'est relativement simple, du coup, dès lors que tu as tout, quoi. La question, c'est est-ce que je peux mettre un Covery et continuer d'avoir le reste de ma prod qui fait autre chose? Est-ce que c'est un... Comment, si jamais demain, j'ai déjà une prod, je peux intégrer Covery à certains de mes développements? C'est quoi? C'est, je sais pas, je suis sur Azure, par exemple, ou je suis GCP, AWS. Comment je vais intégrer Covery? Je dois faire un truc complètement à côté ou pas? Alors, ça dépend du niveau de maturité des boîtes. Typiquement, si tu es une boîte qui fait déjà du conteneur, tu as ta CI, tu sais déployer du conteneur aujourd'hui, tu builds tes images, etc. On va pas rebuilder à chaque fois, nous aussi, les images. Tu peux aller directement chercher le conteneur sur un registry. D'accord? Donc, si déjà tu fais du conteneur, t'as moins de boulot à faire. On gère aussi Helm. Donc, si tu déploies du Helm, bah, avec Covery, tu peux aussi déployer du Helm. Tu peux déployer en fait quasiment tout ce que tu veux. On a un truc qui s'appelle Lifecycle Job et dedans tu mets absolument ce que tu veux. Tu peux mettre du Helm, tu peux mettre du Terraform, tu peux mettre du Shell Script, du peu importe. Donc tu peux déployer vraiment tout ce que tu veux. Et donc en fait il y a des transitions qui se font comme ça où typiquement tu vas avoir une prod qui est sur un compte AWS dans un VPC en particulier. Le client va décider de déployer Covery sur un autre VPC. Il va faire du VPC peering entre les deux. Et il va commencer à faire communiquer ses infras, ce genre de choses. Et petit à petit, en fait, il passe, du coup, ses environnements de dev ou ses jeux de test sur Covery. Alors, des fois, c'est très, très simple parce que, comme je te disais, ils ont déjà une CI avec des containers, etc. Et donc, on vient juste récupérer les containers. Et puis, des fois, ils sont un peu moins matures sur ce côté-là. Et donc, ils font le pas aussi vers plus de cloud native et ce genre de choses. Donc, voilà. Ça dépend vraiment des clients, leur infra, de leur maturité. Et quel est l'intérêt justement d'utiliser Covery pour du Helm si jamais j'ai déjà toute une stack avec du Helm, du Kubernetes? Donc, enfin, si jamais c'est du Helm, il y a du Kubernetes. Hein, Mais quel est l'intérêt que je vais avoir là d'utiliser ça? Ça va être que pour des gens qui sont on-prem et vous installez directement un Kubernetes, ou est-ce que c'est quelque chose à mettre chez un cloud provider? Enfin, quel va être l'intérêt et sur quel environnement je vais pouvoir le mettre? Ouais. Aujourd'hui, on ne fait pas de on-prem, c'est que du cloud. C'est en train de changer. Enfin, on est en train de rajouter ce type de fonctionnement aussi. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que Helm, la destination, qui c'est qui va vraiment utiliser ça? Généralement, c'est les DevOps et les SRE. La plupart du temps, pour pas dire 90% du temps, à chaque fois que je parle à des devs qui doivent eux-mêmes déployer du Helm, en fait, c'est un enfer parce que c'est un bout de la stack que eux n'ont pas envie de gérer. En fait, c'est une dépendance qui leur a été plus ou moins imposé, parce qu'en fait, on leur a dit que s'ils voulaient tel ou tel truc, il fallait qu'ils passent par. Et puis, bah, ils devaient gérer ça. Et en fait, juste, ça les ennuie. Alors, quand tu passes par Covery, tu as une interface qui te permet de dire, bah voilà, moi, mes DevOps, ils m'ont préparé un environnement. Je sais que si ça, je le clone, je le déploie, en fait, je vais avoir tout qui va marcher et je vais pouvoir builder par-dessus. Et en fait, les devs, ils ont la main parce qu'ils contrôlent exactement et ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, en fait, dans un environnement. Ils peuvent même, je te dis, faire du Terraform, donc déployer des services tiers sur des cloud providers qu'on ne gère même pas du tout, quoi. Et faire en sorte que ça soit vraiment très, très simple pour le end user. En fait, la force, elle est là. On ne cherche pas à changer, tu vois, les méthodes classiques que le DevOps, il a. Voilà. C'est vraiment, on cherche à amener une expérience que le développeur ne peut pas avoir aujourd'hui. OK. Donc là, en fait, si jamais je veux une base de données, donc comme ça, le développeur peut directement demander une base de données. Tu as parlé tout à l'heure de soit des conteneurs de base de données, soit des bases de données managées. Aujourd'hui, vous supportez quoi comme type d'environnement? Donc, si jamais c'est pas le on-prem, ça va être quel type? C'est GCP, AWS et Azure? Alors, enfin, ouais. Alors, de base, nous, on supporte, quand je te disais manager, aujourd'hui, on ne fait que AWS en manager et il y a que les quatre bases que j'ai citées tout à l'heure. Donc, MySQL, Postgres, Redis et Mongo. Ça s'arrête là. On compte pas forcément en mettre plus parce qu'on a les lifecycle jobs déjà, qui permettent du coup de déployer autre chose si tu veux faire du Dynamo, si tu veux faire des bases de données spécifiques à Google ou tu veux faire du Mongo Atlas ou n'importe quoi en fait. Tu peux le faire déjà. Et début d'année prochaine, on va arriver, donc Romaric en a déjà un petit peu utilisé, donc Romaric c'est le CEO de Covery, mais on arrive avec une espèce de plateforme open source qui permettra en fait d'avoir un espèce de catalogue, si tu veux, sur lequel les DevOps vont pouvoir builder par-dessus et proposer, donc sous forme de catalogue, aux développeurs de pouvoir déployer en fait certains services. Donc, ça peut être du complètement in-house ou ça peut être des trucs externes, comme je viens de citer, quoi, Mongo Atlas, ce genre de trucs. Quoi. C'est bien que tu en parles de ce genre de choses, parce que j'étais à l'OVH Summit il y a peu et je parlais avec Clevercloud. Oui, parle avec Clevercloud. Et justement, eux, ils ont un peu cette problématique-là, en fait, où tout le monde, aujourd'hui, on voit qu'il y a un mouvement vers une espèce de pass-at-edge qui tend à apparaître. Donc moi, j'avais un projet comme ça depuis très longtemps qui s'appelait Capliance. Mais il y a cette notion en fait de création de plateforme et de définir ce que c'est qu'une plateforme. Et je pense justement qu'il y a un travail qui pourrait être fait justement au sein de la communauté. Donc c'est cool si jamais vous le faites en open source. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que là, votre logiciel Covery n'est pas open source. En tout cas, je ne crois pas. Il y a une grosse partie qui est open source. T'as 70% qui est open source. D'accord. Il y a juste le control plane. Il y a juste le control plane qui n'est pas open source, mais sinon tout le reste est open. Le plus que tu installes chez les clients en fait est open source, tout ce qui est chez toi et que c'est globalement le paradigme. Ok. Et donc en fait, cette notion de définition de plateforme, c'est vrai que c'est intéressant. Là, tu as parlé typiquement de quatre bases. Et c'est vrai que c'est ça en fait ce qui est intéressant en définition de plateforme, c'est quels sont les services que je vais pouvoir aller requêter facilement qui sont disponibles là-dedans. Et l'idée, par exemple, qu'on avait eue, qui est encore, donc là, je te tisse ça, on n'a pas discuté avant, hein, mais c'est que l'idée qu'on avait eue, c'est peut-être de définir des levels de plateforme et de se dire, par exemple, une plateforme de level 1, c'est une où il y a, genre, juste, je fais tourner des conteneurs et à la limite, j'ai un accès TCP. Une plateforme de niveau 2, c'est celle où tu vas directement avoir une notion de load balancer niveau 7 HTTP et peut-être un MySQL. Et un niveau 3, tu vas avoir MySQL, Redis, toute la stack, etc. Le but étant, en fait, de typiquement pouvoir se comparer et pouvoir dire dans tel environnement, je suis une plateforme de niveau temps, c'est-à-dire que j'ai tel service qui a été ajouté et dans un autre cas, je suis à niveau temps. Un peu le but étant de reproduire ce qui s'est passé dans le x86 avec les variantes de x86 qu'on a fait parce qu'il y a une pléthore d'extensions qui ont été rajoutées à x86 et aujourd'hui, c'est dur de savoir quand je fais un logiciel, il doit tourner sur tel variant de x86, bah voilà, il y a le V1, V2, V3, ce qu'on appelle les micro-architectures. Et le but étant peut-être d'avoir ce type de définition de ce que c'est qu'une plateforme pour juste pouvoir se comparer en fait et pouvoir faire en sorte qu'un client, quand il vient chez toi, déjà, un, ça tilte beaucoup plus. Ça permet en fait de ne pas créer des plateformes comme ça isolées les unes des autres et d'avoir vraiment de créer un écosystème en fait qui pourrait, le but étant pas qu'on ait tous la même, c'est juste de définir quel est de l'extérieur pour un client qui sache lui définir son application en disant moi mon application je sais que c'est une application de level 2 et donc elle va pouvoir tourner chez Covery, chez OVH, je sais pas quoi, ou ou chez un Flavor Cloud. Voilà, c'est ça le but. Globalement, on pourrait en discuter à un moment donné, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, toute cette notion de création de plateforme est assez compliquée et c'est assez flou quand on parle à des clients. C'est une plateforme de type Heroku, c'est quoi? Enfin, c'est compliqué aujourd'hui quand on parle aux clients et pour naître. Enfin, je sais pas, quel est ton ressenti par rapport à ça? Ouais, de toute façon, c'est pas mal de nouvelles terminologies qui arrivent, hein, clairement. On bosse avec, du coup, différents marchés, américains, asiatiques, européens. On voit que le niveau de maturité n'est pas le même. Et tu vois là-dessus, le niveau de maturité que tu vois, c'est... Le marché américain est un peu plus mature, en tout cas, a un peu plus connaissance de ce genre de choses, même si dans certains cas, ça reste encore flou. Notamment parce que si tu cherches IDP pour Internal Developer Platform, t'as plein d'autres termes qui correspondent à IDP. Et puis, t'as des personnes qui se projettent avec un portail, parce que c'est la finalité. Mais en fait, ce qu'ils cherchent, à la base, c'est plutôt une IDP. Ils veulent qu'il y ait un portail aussi, mais en fait, ce qu'ils veulent, c'est l'IDP. Et donc, on peut les faire rentrer par le portail parce que c'est ça qu'ils ont en tête, mais la finalité, c'est vraiment une Internal Developer Platform, quoi. Et c'est vrai que c'est pas évident parce que c'est un peu comme, tu vois, la CI/CD il y a 10-15 ans, quoi. Et il y a pas mal de gens qui se disaient, ouf, ouais, je sais pas, j'en ai vaguement entendu parler, ouais, ça a l'air pas mal ou ça sert pas à grand chose. Ou ouais, ça peut être intéressant, on verra plus tard. Et en fait, aujourd'hui, tu vois personne sans une CI/CD, quoi. Enfin, et on pense que l'IDP, c'est la même chose. C'est un maillon manquant aujourd'hui. Et on pense que, bah, avec ça, du coup, on comble un gros manque de pas mal de boîtes et du coup, bah, quand on a des boîtes qui viennent nous voir, en fait, c'est assez rigolo parce que on a des boîtes qui viennent avec qui on discute, ils me font, ah, ça a l'air super intéressant. Bon, on verra. Ou des fois, ils essayent en interne. Et puis, tu vois, un an et demi après, ils reviennent. Oh, on a essayé en interne. C'est le bordel. C'est super compliqué. En fait, ça paraît simple. Mais en fait, c'est trop compliqué. Donc, du coup, ils essayent de couvrir et puis ils sont super contents. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est encore nouveau. Je pense qu'il y a encore besoin d'un petit peu de temps qui se passe pour que tout le monde l'intègre bien, quoi. Ouais, et ce que je me dis aussi en même temps, on a besoin d'avoir cette notion de standardisation. En fait, tu parlais des noms. Et les noms, c'est ultra important, les mots, les concepts, de bien les définir pour pas justement que ça devienne un peu trop n'importe quoi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les plateformes internes de développement, c'est vraiment... Enfin, c'est pas forcément compris. Je le vois souvent quand je vais tweeter dessus, où il y a vraiment un manque de culture par rapport à ça. J'essaye même moi en interne, chez Cégide, d'apporter ce type de réflexion-là d'une plateforme interne. Et aujourd'hui, on regarde avec des yeux un peu « mais qu'est-ce que t'essayes de nous raconter, quoi ?» C'est vraiment le problème. Et aussi parce que, alors là, c'est aujourd'hui ce que je vois, et c'était pas mal de gens le disent même sur Twitter, c'est les plateformes de développement interne, en fait, elles viennent dans une sorte de volonté de standardisation de ce que Kubernetes a amené. En fait, c'est vraiment la suite logique de Kubernetes. On a eu Kubernetes, ouais, qui a ouvert les vannes de plein de choses, de plein de possibilités de standardisation, mais de façon de faire très différente. Et aujourd'hui, on a peut-être besoin, justement, pas de rationaliser, mais de capitaliser sur tout ça, en fait. Et que les gens qui étaient en amont, qui étaient en avance sur ces sujets-là, aujourd'hui, elles amènent un peu à tout le monde en mode, bon, bah, en fait, voilà, Kubernetes, c'est très bien, ça peut faire tout ça. Et aujourd'hui, voilà, en standardisant un peu les labels, en standardisant un peu deux, trois sujets, on arrive justement à se remettre dessus. Et c'est vrai que je vois Kovri, c'est marrant, je vois un peu, donc là, dans la description, comme un crossplane qu'on aurait très très customisé en fait pour un besoin précis en fait. Donc crossplane étant un logiciel qu'on peut mettre un CRD de CRD de CRD dans Kubernetes, mais qui permet justement de définir voilà qu'est-ce qu'une base de données. Alors je sais plus comment ils les appellent ça, mais on peut avoir des espèces de méta déploiement en fait en disant bah moi je propose une base de données et mes clients peuvent aller les requêter via ça. Et c'est vrai que on sent qu'il y a vraiment tout ce besoin en fait de gestion du drift aussi qu'on va avoir quand on fait beaucoup de Terraform, de se dire bah qu'est-ce que font les gens quand ils touchent à plein de sujets. Donc je sais pas aussi si vous ça justement vous allez réussir à gérer le drift comme je me dis que tout est fait via l'interface ou en tout cas via des API que vous allez faire. Bah il peut y avoir en tout cas moins de drift que d'avoir 4 milliards de façons différentes d'aller toucher aux mêmes ressources dans Azure. Exactement. Le fait de standardiser et de tout contrôler à ce niveau-là, ça nous permet aussi de rajouter des fonctionnalités qui sont pas forcément évidentes sur tous les cloud providers. Parce que, effectivement, donc, on a buildé au-dessus de Kubernetes et Aujourd'hui, on propose trois cloud providers, AWS, GCP, Scaleway. Et pourtant, sur ces trois cloud providers, en fait, on essaye de standardiser le truc pour que toi, en tant que développeur, si tu fais du Scaleway, du GCP ou de l'AWS, en passant par Kovri, en fait, c'est exactement la même chose pour toi. Et demain, on te dit, tiens, on va changer de cloud provider. En fait, bah, ok, tout à l'heure, je t'ai parlé de la fonction de clonage. Bah, en fait, tu vas pouvoir cloner tous tes environnements et les passer sur un autre cloud provider sans problème. Ce qui fait qu'on a des clients, par exemple, qui veulent la stabilité, quelque chose d'assez poussé, et puis qui prennent de la charge, etc. Et donc, ils vont utiliser typiquement l'AWS. Et puis, pour des questions de coût, et puis parce qu'ils ont un usage aussi qui est plus restreint, etc., ils vont avoir, par exemple, du Scaleway pour tous leurs environnements de dev, ce genre de trucs. Donc, aujourd'hui, il est capable de gérer ce type de débordement de dev dessus. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui est souvent, enfin, moi, en tout cas, que j'ai souvent essayé de demander et qui est rare d'avoir dans les boîtes. Hein. Enfin, c'est souvent, ouais, on gère en fait, c'est le dev de même façon que la prod. Quoi. Enfin... Ah oui, parce que t'as l'impression que c'est deux ou trois fois le taf. En fait, à chaque fois, parce que les cloud providers, ils sont gentils, mais c'est vrai qu'ils sont complètement hétérogènes et ils ont quasiment aucune homogénéité. Et c'est là où Kubernetes arrive à donner une certaine homogénéité. Et donc, c'est bien de build-up par-dessus. Ouais, il y a toujours quand même des petites spécificités. Hein. Quand tu bootstrap un load balancer, ça va pas être les mêmes annotations. Enfin, bah, les security groups, les machins, il y a toujours des spécificités. Et donc, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment masquer cette complexité-là. Et donc, du coup, pour le end user, ça ne change absolument rien. Enfin, pour lui, c'est pareil, quoi. Et est-ce que demain, je pourrais avoir quelque chose qui est plutôt une interface type Kubernetes, ou est-ce que même vous le proposez? C'est-à-dire, moi qui fais du Kubernetes, je vais pouvoir, en fait, déployer des ressources type CRD et, en fait, me dire, bah, en fait, je déploie dans le control plane de Kovri et automagiquement, ça va aller sur les, enfin, voilà, d'utiliser comme interface, justement, dont on parlait, l'interface d'API Kubernetes, qui est à peu près standardisée partout, voilà. Et de se dire, en fait, je sais pas trop sur quoi je tape, mais en fait, c'est Kovri et Kovri va gérer ça à un endroit. Ouais, alors, j'ai un peu de réponses à te faire. La première, c'est oui, on peut voir les choses comme ça. On a déjà des clients qui voient les choses comme ça. Typiquement, ils ont du Terraform aujourd'hui avec leur infrastructure. Nous, on fournit un Terraform provider. Ils viennent juste plugger Kovri sur leur existant Terraform et ils buildent par-dessus. OK? Ça, c'est la première réponse. La deuxième, c'est on est en train de sortir une version qui sortira Q1 de l'année prochaine, qui va te permettre de déployer Kovri sur un cluster déjà existant. Donc, nous, on ne gérera pas le cluster, c'est toi qui mettras tout ce que tu veux dedans. On viendra avec quelques prérequis, on te dira, il faut ça si tu veux pouvoir faire ci, ouais, hein, ce genre de choses. Mais derrière, c'est toi qui vas gérer. Pour terminer, aujourd'hui, avec ce qu'on propose, tu sais, je t'ai dit, on déploie sur l'infrastructure de nos clients. Ce qui fait que eux-mêmes, en fait, ont accès à l'API Cube. Ils peuvent déjà déployer tout ce qu'ils veulent. S'ils ont envie de déployer des CRD et faire ce qu'ils veulent avec les lifecycle jobs, typiquement, c'est possible. On a des clients qui utilisent Crossplane, comme tu disais tout à l'heure. En fait, ils ont juste préparé des lifecycle jobs avec une conf déjà préfaite de Crossplane, quelques variables d'environnement, etc. Et ils fournissent ça à leur dev. Et ça marche. Donc, voilà. Il y a quelques primitives qui te permettent de déployer des trucs déjà tout faits, comme les bases de données. Et puis, derrière, dès que tu veux déborder, ben, en fait, tu utilises les lifecycle jobs. Et puis, ce qui arrivera après, du coup, c'est un catalogue de services pour avoir un truc vraiment plus joli, plus fourni, voilà. Là, aujourd'hui, en termes de marché que vous adressez, c'est, donc, on a parlé un peu de la taille tout à l'heure des entreprises, mais quand on parle de la taille des équipes, ça va être, donc, il y a des équipes de 3 personnes, si jamais c'est une entreprise, ouais, de 3 personnes dont tu parlais, mais ça peut monter à beaucoup de développeurs. Enfin, c'est quoi à peu près, vous, là, aujourd'hui, la taille que vous avez préparée pour votre outil? Parce qu'il y a toujours ça, il y a le marché attendu. C'est une bonne question. Aujourd'hui, les clients qu'on a, les plus gros qu'on a eu, ils avaient des environnements avec à peu près 150 apps dedans. Donc, tout confondu, base de données, broker, back-end, front-end. C'est assez rare, hein, quand même, d'en avoir autant. Généralement, tes services ne sont pas de cette taille. Et puis, c'est surtout que derrière, ça va être aussi découpé en fonction des équipes. Donc, t'as pas forcément envie d'avoir un environnement avec toutes les équipes qui sont dedans. Enfin, voilà. Sachant que des environnements, suivant comment tu fais les choses, tu peux faire en sorte qu'ils se parlent entre eux. Donc, en fait, t'as des projets. Puis, dans tes projets, t'as tes environnements. Et donc, t'as tes environnements de prod qui peuvent se parler, etc. Donc, je dirais que c'est assez aussi, couper en fonction de l'organisation de l'entreprise. Tu vois, ils vont gérer ça comme ça. Et après ça, ouais, les environnements. Ce que vous recommandez plutôt, c'est d'avoir ces petites équipes-là découpées par organisation et après avoir un top au-dessus. Ouais, exactement. Nous, le découpage, c'est. Alors, cluster, c'est virtuel. C'est-à-dire que tu peux avoir plusieurs clusters, mais toi, au niveau de ton interface, tu as tout dans le même truc. On a des airbags hein, qui te permettent, du coup, d'autoriser ou pas la vue de certains clusters. Et pareil pour les projets, pour les environnements. Et ensuite, tu as un projet. Donc, enfin, tu as X projets. Et dans chaque projet, tu as les environnements. Voilà comment ça se passe. Donc, après. Okay, donc ça permet quand même de gérer quand même une complexité. Enfin, c'est justement en ayant cette hiérarchie-là, ça permet de savoir un peu à qui on s'adresse. Est-ce que c'est vraiment que pour fait pour une équipe de 3 personnes ou est-ce qu'on peut aller, Ouais, non, on a des équipes. Enfin, les plus grosses qu'on a, elles sont dans les 50 personnes. Donc, ça commence à faire, quoi. Donc, il est pas rare de voir genre 200 environnements éphémères, quoi. Tu vois. Ça, c'est quelque chose d'assez courant. Maintenant. C'est pas quelque chose non plus, comme je te disais, que tu laisses tourner tout le temps, parce que c'est un coût derrière. Donc, c'est un cycle de vie, tout ça, si tu veux. Il y en a beaucoup qui éteignent aussi le soir et qui rallument tout le matin. Voilà, il y a différents scénarios possibles. Et sachant qu'il y a une API aussi, ben, il y en a, ils aiment bien scripter et build up par-dessus. Voilà. Il y en a même qui utilisent pour des commerciaux. Tu vois, ils font des plateformes spécifiques à chaque fois pour les commerciaux. Et les commerciaux eux-mêmes arrivent à utiliser le produit, exactement. Donc, on a pas mal de use cases différents. OK, cool. Et donc là, justement, tu as parlé d'API, etc. Donc ça, on a parlé de control plane. Bon, alors, quand on voit un peu ce que vous avez fait, sans doute, vous faites ça en Rust. Le under the hood, justement, là-dessus, Rust, c'est parce que vous avez un seul control plane pour tout le monde, que vous avez voulu avoir de la performance pour ça. Enfin, quelles étaient un peu les motivations techniques derrière Ouais. Alors, quand on a commencé Covery, on devait aller vite. Parce que bah, quand tu es une petite boîte, que tu n'as pas trop de thunes, que ta seule solution de t'en sortir au début, parce qu'on n'est pas un produit qui se build en 2 semaines, tu as besoin, besoin d'argent en fait, pour survivre. Du coup, on a pris le langage qu'on connaissait le mieux, donc c'était Python. Et c'est bien, mais quand tu fais de l'infra, tu sais bien que l'infra, il y a des fois, même souvent, tu n'as pas le droit à l'erreur. Si tu te trompes d'un truc, c'est ta prod que tu vas foutre par terre, la récupérer, ça ne se fait pas forcément en 2 secondes. Enfin, c'est pas... un rollback applicatif stateless et youpi, c'est reparti, quoi. Et Python, bah, le problème, bah, que ce soit pas fortement typé, qu'il y ait pas de compile, voilà, ce genre de choses. Et Rust, ayant un peu le vent en poupe à côté, mais qui est pas simple, hein, à appréhender. Donc, clairement, on n'avait pas de problème de perf, et on n'a pas de problème de perf à proprement parler aujourd'hui. Parce que bah, la plupart du temps, c'est du network IO qu'on fait, où on attend en fait les cloud providers. On a certaines parties qui nécessitent un peu de perf, évidemment, mais la plupart du temps où est utilisé, en tout cas cette partie-là, Rust, c'est de l'attente. En fait, ça nous permet d'avoir une très bonne stabilité, si tu veux, sur notre produit. On a très peu de bugs. Quand il y a des bugs, c'est des problèmes humains. C'est pas parce que on confond une string et un int et puis que le machin, ça, des trucs débiles, quoi. C'est un langage qui est récent, du coup, et qui permet de faire pas mal de choses. T'as des génériques, il est déjà complet, en fait, et il est très bien pour ça. Maintenant, tu vois, on parlait du control plane. Le control plane, typiquement, n'est pas fait en Rust. Il est fait en Kotlin avec du Spring Boot. Pourquoi ? Simplement parce que sur la partie front, plugin, etc., web, on trouvait, en tout cas à l'époque, c'est encore un peu le cas maintenant, je dirais, que la partie Rust est encore très jeune sur cette partie-là. Et on avait besoin de quelque chose de mature parce qu'on voulait vraiment que ce soit reliable et puis pas non plus passer 50 ans, parce qu'on en revient toujours à cette histoire dessous. Mais quand tu as une startup, malheureusement, c'est pas, puis même n'importe quelle boîte, hein, tu fais attention à ça, quoi. Ça rentre dans l'équation. Et donc, on s'est dit, on part sur Rust parce qu'on voulait quelque chose de qui puisse être validé à la compile, où on pouvait mettre beaucoup de struct, beaucoup d'enum, beaucoup de trucs comme ça, et éviter les erreurs classiques. Et la partie web, du coup, Kotlin, Spring Boot. Et on est plutôt content. Après, je vois venir ta question, pourquoi pas Go ? Ouais, bah, par exemple, oui, en effet, quand on parle d'infra, même à ce moment-là, pourquoi pas du Go, sachant que une grosse partie de l'écosystème aujourd'hui auquel vous touchez est quand même fait en Go. Exact. Ouais, tout à fait. Donc ça, c'était pareil. Grosse question. Pour être honnête, on a fait un POC des deux quand on devait switcher. Et on a regardé, en fait, sur des compiles à faire des tests, tu vois, d'erreurs classiques, voir si le compilo, il prenait bien en compte tout ce qu'on voulait, etc. Et le compilo laisse passer quand même pas mal de trucs en Go, ce qui est un peu normal quand tu vois les temps de compile, quand tu compares les deux. Mais du coup, c'est ce qui nous a un peu plus décidé à partir sur Rust. Voilà, c'est la rigidité inhérente au langage et au compilateur. Ouais, on peut voir ça comme ça, si tu veux. Ouais, ouais. Ah, mais ça se comprend, puisque en fait, Go, quand il arrivait, était lui-même quelque chose d'assez rigide pour ce moment-là. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a toujours des malfaçons, entre guillemets, qui peuvent passer en Go très, très régulièrement. Donc, oui, ça peut se comprendre là-dessus. Et j'ai vu que vous aviez notamment des nouveaux projets. Là, pour le coup, on va aller sur du web et sur du Rust. Donc, j'ai vu passer des projets pour des développeurs portal, c'est ça ? C'est ouais, quoi un peu tout ce qui arrive Ouais, c'est ça. Bah, c'est ce dont je te parlais tout à l'heure, le catalogue de services, en fait. C'est un peu l'idée, c'est de se dire, OK, moi, je suis DevOps, je veux proposer quelque chose à mes devs, je veux pouvoir builder, que ça soit joli, avoir une interface. J'ai l'habitude d'écrire du YAML ou en tout cas ce type de langage, quoi, de pouvoir faire du déclaratif. Je veux rester sur ce genre de modèle et je veux pouvoir proposer à mes devs une interface qui soit jolie, qui puisse la comprendre ce que je leur demande. Typiquement, s'ils veulent déployer une base de données, je leur demander un login, un mot de passe, ou je vais leur demander ce genre de choses. Et en fait, ça te permet de construire ton input, ton output, et d'être complètement agnostique sur qu'est-ce qui va être déployé derrière. Donc, tu peux utiliser du Docker, tu peux faire de la command line, tu peux faire, voilà. L'idée, c'est un peu ça. Et donc, du coup, tu vas pouvoir proposer quelque chose facilement en tant que DevOps. Et qui va être utilisé et utilisable simplement par tes devs, quoi. Et pourquoi pas partir sur du backstage, qui est aujourd'hui la technologie en vogue sur ce genre de choses-là, quand on parle de portail interne. Parce que le niveau de complexité de backstage, bien au-delà de ce qu'on peut imaginer, en fait, pour ce que ça fait, et dès lors que tu veux te lancer là-dedans, encore une fois, nous, on essaye d'être pragmatique, on essaye de résoudre des problèmes qu'on rencontre régulièrement et qu'on nous remonte. Et ça fait partie backstage. On a pas mal de clients qui se sont cassés les dents dessus parce qu'ils pensaient que ça allait être rapide à mettre en place. Et en fait, ils se rendent compte qu'il y a besoin quasiment d'une équipe derrière pour maintenir le truc, le mettre en place et tout. Enfin, ça a l'air d'être de la folie. Donc, du coup, on a essayé, on a vu les points faibles. On se rend compte qu'il y a une population chez qui ça doit plaire, clairement. Maintenant, nous, on pense qu'on peut faire plus simple. Et que ça puisse couvrir une population bien plus large. Donc, c'est ce qu'on essaye de faire au travers de Tori. Et n'hésitez pas à contribuer, même si vous voulez apprendre Rust, parce que c'est fait en Rust. Pour Tori, enfin, oui, parce que backstage, ce qu'il faut voir, donc, c'est fait en TypeScript. Et c'est vrai que pour avoir des interfaces dans backstage et avoir rapidement quelque chose qui est affichable en backstage, en fait, il faut comprendre les mécaniques internes. Il faut comprendre le TypeScript. Et très souvent, en fait, tu viens te plugger à des choses internes de backstage. En fait, voilà, c'est un logiciel en tant que tel. C'est un framework, en fait, de développement web qui permet d'avoir des primitives plus simples pour faire des affichages typés ops, entre guillemets, ou en tout cas typés plateforme. Vous, c'est vraiment, en fait, de ce qu'on prend, une configuration d'un côté, enfin, un cœur en Rust et après de la configuration qui vient être pluggée. Donc, en fait, si jamais il y a les features qui sont déjà présentes dans Tori, on peut les utiliser un peu à la volée. C'est ça. Ouais, exactement. Le but, c'est vraiment de faire c'est que ce soit open source et utilisable en dehors de Covery. Bien sûr, on va le plugger dans Covery, mais à la base, on cherche à répondre aux besoins généraux. Ok. Et vous avez d'autres projets comme ça en voie, d'autres projets dont on n'aurait peut-être pas parlé ou qui vont arriver, des choses à... Ah bah, si tu veux, on en a un qui existe déjà aussi qui s'appelle Ripley Bytes, qui permet de faire de la. Donc, tu sais, tout à l'heure, je t'ai parlé de cloner des environnements. Et bien souvent, ce qu'on nous a dit, c'est « Ouais, vous êtes mignon, mais vous répliquez tout ce qui est stateless. » Mais il stateful dans l'histoire. Ouais, effectivement, il stateful. Alors, bêtement, on peut se dire « Bah ouais, ok, on va faire un MySQL dump, on va faire un truc comme ça, puis on va réinjecter de l'autre côté. » Ouais, sauf que ça marche, mais tous ceux qui font du médical, tous ceux qui ont des données sensibles, etc., en fait, tu peux pas faire ça. Et puis, des fois, tu n'as pas forcément envie de répliquer l'intégralité non plus de ta base. Si elle est un peu conséquente, ça va être costaud. Donc, du coup, ça, c'est un autre projet open source qu'on a fait qui te permet de... Tu vas seeder ta base de données principale. Tu vas pouvoir, via de la configuration, en fait, dire tel champ, je veux l'anonymiser. Et je veux l'anonymiser avec tel type de data. Et tu viens seeder la data. Donc, tu peux même la seeder partiellement si tu souhaites. Et tu vas me stocker tout ça. En fait, le jeu de données que tu auras construit, tu vas me le stocker sur S3. Ce qui fait que quand après, tu viens cloner un environnement, dans l'environnement, enfin, dans la partie, enfin, quand tu clones un environnement et que tu veux le déployer après, c'est à différentes stages. Donc, typiquement, tu déploies d'abord tes bases de données. Et puis après, tu vas, avant de déployer tes apps, tu vas te dire, tiens, je passe sur un stage de seed. Et donc là, tu vas récupérer ta donnée que tu as bumpée sur S3. Et donc, qui est anonymisée. Et tu vas automatiquement la réinjecter. Et une fois que ça s'est fait, bah, du coup, après, tu passes au déploiement des apps. OK. Et donc, ça, c'est un projet open source que vous avez encore en Rust. Exactement. Okay, bah c'est cool. Il y a une bonne communauté active. On a même un peu de mal à suivre, pour être honnête, tellement il y a d'engouement. Donc voilà, c'est super chouette parce que on a des clients qui l'utilisent en prod, on a des committeurs qui viennent rajouter des bases de données qu'on supportait pas. Enfin, c'est top quoi. Donc Covery, future boîte d'anonymisation des données, c'est ça à la Docker style, enfin Docker dot cloud. Ouais, mais disons que c'est un side project pour nous, même si c'est un produit qu'on veut, pareil, il n'est pas intégré dans le produit, bien intégré aujourd'hui dans le produit, c'est quelque chose qu'on va faire aussi. Mais voilà, on est content. En tout cas, on essayait, tu vois, de répondre à des problématiques. On voit qu'il y a de l'attrait, il y a de l'engouement derrière, donc on lâche. Aujourd'hui, pas. C'est une équipe de combien de personnes qui travaillent sur tout ça? Alors aujourd'hui, on est une petite dizaine côté tech. Donc, front, back, product. Et voilà. Et est-ce que tu as envie de passer un message, rejoignez-nous ou pas, ou on n'a pas le... On n'est pas complètement fermé, mais on n'a pas de poste réellement défini aujourd'hui. L'année prochaine, c'est sûr, on ouvrira les vannes. Mais pour l'instant, il faut qu'on reste focus. Et on a encore quelques trucs à délivrer. Notamment, je te parlais tout à l'heure, tu vois, d'une version que tu peux déployer sur un cluster cube déjà existant. Voilà, ce genre de choses. Donc, qui est plus géré par Covery. On a GCP aussi, là, qui arrive début Q1. Voilà. On gère en mode managé des nouveaux cloud providers. On fait une version moins managée. Et, okay. Et voilà. Et c'est compliqué aujourd'hui de trouver des ressources. As-tu des ressources compétentes, alors, en Rust, mais pas que, même juste sur l'infra et qui ont cette. Effectivement, je vais pas dire que c'est des moutons à cinq pattes. Mais c'est très compliqué aujourd'hui parce que tout DevOps ou tout SRE que tu connais, c'est très très rare de tomber quelqu'un de très très bon sur qui est aussi bon, 50-50 quoi. T'as toujours généralement une préférence ou en tout cas une appétence un peu plus forte côté dev ou côté système, on va dire. Et donc ça c'est pas facile. En plus on fait du Rust, donc tu limites encore plus. Donc on sait très bien que les personnes qu'on embauche, le pourcentage de chances qu'elle soit 100% compétente jour 1, c'est proche de zéro. Donc après, on sait qu'il y a pas mal de formations. Le ramp-up chez nous, c'est entre 6 mois et 1 an, en général. Donc c'est assez long. Mais après, derrière, du coup, c'est cool parce que ça fait des personnes qui ont de la compétence sur pas mal de sujets. Et c'est très vaste, parce que tu imagines plusieurs cloud providers, tu rajoutes Kubernetes, tu rajoutes Rust. Et puis on a un peu de Go aussi, tu vois, par exemple Provider Terraform, c'est en Go. La CLI, elle est en Go. Bon voilà, on a quelques petits trucs en Go par-ci par-là, mais c'est pas le langage principal non plus. Mais ouais. Ok. Super. Merci beaucoup. En tout cas, j'espère que tout le monde aura une meilleure idée de ce que c'est, pourra venir après vous voir. Ou en tout cas, quand ils verront Covery, ils comprendront peut-être ce que c'est, ce que ça peut apporter, et peut-être même quand ils auront des problèmes, ils se diront merde. Peut-être qu'à ce moment-là, j'aurais dû installer un Covery. C'est souvent ce qu'on peut se dire. Donc, super. Merci à toi. Merci pour ton intervention. Je pense que les gens pourront aussi pinguer sur... où est-ce qu'ils peuvent te trouver si jamais ils ont des questions sur Covery. S'ils ont des questions sur Covery, ils peuvent essayer LinkedIn. Ils peuvent essayer le produit aussi. Ils peuvent faire une demande pour avoir accès. On a une version de test. Donc, c'est quelque chose qui est facilement faisable. Et sinon, on a un forum aussi. Donc, c'est discuss.covery.com. Et puis voilà. Et là, je pense qu'ils auront de quoi. Et sinon, il y a les projets open source, si jamais ils veulent contribuer. Super. Merci beaucoup. Merci à toi, Guilherme.